Le journal internet sud-coréen Minjong Ilbo du 19 a inséré un éditorial pour exiger des impérialistes américains et des bellicistes sud-coréens l'arrêt immédiat du simulacre de guerre nucléaire dangereux. L'auteur souligne que la paix est le désir unanime de la nation coréenne et que pour la paix de la péninsule coréenne sont nécessaires le retrait des GIs et la conclusion d'un accord de paix entre le Nord et les États-Unis, non pas la disposition du SAD ou le simulacre de guerre.